Odyssey. Je danse et je brille. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De sept lieux, petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Eh bien, salut, c'est le Slasher, et là, on se retrouve pour la nouvelle de Touche à Tout. Et donc, là, on va tout de suite commencer sur le chapeau de roue avec un titre qui bouge bien, et c'est Survivor, Eyes of the Tiger. Donc voilà, c'était Survivor avec Eye of the Tiger, donc qui fait partie de la BO mythique de Rocky 3. Donc là, on va tout de suite commencer par des produits qu'on a reçus. Et donc là, c'est la première fois qu'on reçoit des produits si spéciaux. C'est quoi ? C'est des bijoux, tout simplement. Donc on a reçu des bijoux sur la thématique de la musique, plus précisément de la guitare. Donc on les a reçus de chez la boutique du guitariste. Et donc je vais un peu vous dire ce qu'ils ont dans leur boutique. Ils ont une montre en cuir qui est à 49€ au lieu de 99€. Vous avez des bracelets en cuir, collier guitare moderne, collier Mediator, ceinturon, des capsuleurs, bagues et d'autres colliers Mediator, etc. Donc vous avez aussi des cordes, des exerciceurs de doigts ajustables, des autocollants notes pour guitare acoustique, électrique à 6 cordes, accordeur électronique pour n'importe quel instrument à cordes et un nettoyeur de cordes à manches. Donc là, on a reçu de chez eux une bague en forme de guitare. Donc c'est une bague en argent. Donc elle est vraiment super bien finie. Vous avez soit la proposition de bague argent ou or. Et ce sont des bijoux unisexes. Donc je m'explique. Hein, ce sont des bijoux pour les deux sexes différents. Donc vous n'allez pas dire, ah c'est pour les femmes. Non, c'est pour tout le monde. Donc on a reçu ce bijou qui est super beau. Ça représente tout simplement une guitare qui a été tournée sur elle-même pour faire la bague. Il vous propose aussi des tailles différentes et donc en or c'est 16 carats. Donc on a aussi reçu le collier pendentif guitare électrique. Donc franchement elle est super belle, c'est une Fender, modèle Fender Stratocaster. Donc pour nous on a choisi la couleur noire qui est vraiment super belle. Vous avez aussi possibilité d'avoir la version or. Donc en plus c'est un prix très attractif, surtout que là ils font des promos en ce moment, donc je vous dis les prix, c'est vraiment pas cher quoi, c'est une 15aine d'euros. Donc franchement de super beaux bijoux, par contre le petit inconvénient c'est que l'argent vous pouvez pas le... C'est déconseillé de le porter sur nous quand on prend sa douche ou quoi, sinon ça va un peu noircir, mais en tout cas ce sont des bijoux super beaux avec un prix très attractif, donc je vous conseille la boutique du guitariste. Et donc vous avez à la technique The Scream et vous pourrez retrouver tous les liens donc ainsi que la vidéo sur cette boutique sur la page Facebook de Touche à Tout. Donc maintenant on va se faire une petite pause avec Irene Cara avec Fame. We'll be right back. Donc c'était Irène Cara avec Fame, qui fait partie justement de la bande originale du film Fame. Et le saviez-vous aussi, Fame était, il y avait aussi une série qui contient 6 saisons, et dans l'une des saisons il y avait aussi une très très grande artiste du nom de Janet Jackson, bah, qui fait partie de la famille Jackson. Et c'est aussi là l'anniversaire de le 29, l'anniversaire de Monsieur Jackson, qui est malheureusement décédé, un très très grand ami, RIP à toi Michael. Donc là maintenant on va se faire une petite chronique de livres, et donc là nous allons vous parler de deux livres qu'on a reçus de chez Nathan. Donc encore merci à Nathan pour leur confiance et leur partenariat. On les a reçus cette semaine, donc c'est vraiment génial, et ça fait partie de la collection Les Premiers Romans. Et là ce sont deux livres sur le thème Le Jour Où, non pas la série télé Le Jour Où tout a basculé, bien sûr que non, c'est les livres Le Jour Où. Et donc là on en a reçu deux. Le jour où on a arrêté de faire la guerre et le jour où papa s'est remarié. Donc là, on va commencer avec le jour où on a arrêté de faire la guerre. Donc le livre est de Thierry Lenain et de Tan Portal. Donc, on a arrêté de faire la guerre. Ce matin, quand Raissa arrive à l'école, elle voit une drôle de chose. Elle voit la guerre. Des élèves imitent les tirs de fusil et d'autres sont allongés par terre pour faire les morts. Dans la classe, la maîtresse trouve Raissa en train de pleurer dans le placard. Raissa n'arrive pas à parler, alors elle dessine sur le tableau la guerre qu'elle a vécue. Pour la rassurer, les enfants cherchent comment changer le monde. Donc ce livre est très très bien. Donc c'est l'histoire de la petite Raissa qui arrive, et cette petite fille a malheureusement vécu la guerre. Et donc qui dit a vécu la guerre, c'est qu'elle est psychologique. Hein. Et donc elle arrive et elle voit des enfants en train de jouer à la guerre. Elle se dit pourquoi ils jouent à ça, il y a eu des morts, j'ai vu ça. Pour de vrai, il y a eu des morts et tout. Non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et ça lui a malheureusement rappelé des mauvais souvenirs. Et donc du coup elle en pleure. Et les élèves essayent de la rassurer, de trouver un moyen pour avoir la paix. Donc ce sont des romans, des mini-romans de 7 à 11 ans. Donc facile à lire tout seul. Donc ouais, même moi j'ai bien aimé. Qui a 13 ans, j'ai bien aimé ce livre. En plus vous pourrez retrouver des petites illustrations super bien faites, super mignonnes. Voilà. Donc maintenant on va continuer avec le jour où papa s'est remarié. Papa s'est remarié aujourd'hui, Guillaume est dans la lune. Il pense à son papa qui va se remarier. Mais ce n'est pas avec une femme que le papa de Guillaume va se remarier. C'est avec un mari. Parce que maintenant, le papa de Guillaume, il est homo, explique Elena à la maîtresse. Est-ce que quand Guillaume sera grand, sera-t-il homo lui aussi? Et donc là, en fait, ça raconte l'histoire du petit Guillaume. On s'y attache super bien dans ce livre en plus. Qui se dit, ouais, papa va se remarier. Je vais avoir une belle-mère et tout. Mais en fait, il voit que son père est devenu homosexuel. Donc on va voir sa réaction face à l'homosexualité de son père. Et franchement, ces livres apprennent vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont tordus d'esprit, qui disent qu'ils sont contre, qui sont homophobes. Et là, franchement, il ne faut pas être homophobe, hein, ça sert à rien. Et donc, du coup, là, ce livre est vraiment super bien foutu. Ça apprend, l'écrivain sait bien aborder l'homophobie face aux enfants. C'est comme lui, il expliquait dans son petit résumé. Donc, les livres sont au coût de 5,90€, 5,90€. Donc, c'est vraiment pas cher pour des petits romans comme ça. Franchement, n'hésitez pas, prenez ça pour votre gosse pour qu'il lit ses premiers romans. Donc, je vous lis un petit peu l'histoire de l'illustratrice et de l'auteur. Thierry Lenain, l'auteur. Thierry Lenain a été professeur dans des écoles maternelles et primaires. À la naissance de ses enfants, il a ressenti le besoin d'écrire pour les accompagner dans ce qu'ils vivaient et ce qui les interrogeait. Il a écrit 70 œuvres pour la jeunesse, dont le célèbre Mademoiselle Zazie a tel un zizi. Donc voilà, et les bruits d'autres romans de la série. Donc il y a encore eu plein de romans, il a fait des best-sellers, donc Mademoiselle Zazie a tel un zizi, c'est vraiment un best-seller, il a vendu plus de 200 000 bouquins, donc c'est vraiment énorme. Donc maintenant on va parler de l'illustratrice Tan Portal. Tan Portal aime les livres, alors elle les a lus et relus, caressés dans le sens de la trame, dans un atelier de reliure, conseillé dans une bibliothèque, vendu dans une librairie, promue dans la maison d'édition. Un jour, elle a choisi de revenir à sa première passion et de les illustrer. Donc, elle a décidé d'illustrer des livres et elle a donné du coup à des romans, fait devenir des romans haut en couleur. Donc, franchement, ce sont des personnes qui bossent super bien. Franchement, ce livre m'a étonné. J'allais dire, ouais, bon, c'est pour les petits, j'ai pas trop accroché, mais si, j'ai accroché. C'est vraiment super bien. Donc, de 7 à 11 ans, le jour où on a arrêté de faire la guerre et le jour où papa s'est remarié de la collection Les Premiers Romans. Donc ils sont au coût de 5,90€. Donc c'est un prix très abordable. Et donc encore merci à Nathan pour leur confiance. Donc là on va se faire une pause musicale avec Lloyd Cole and the Comanchian Forest Fire. She crossed herself as she put on her things. She has promised once before not to live this way. If she don't calm down, she will burn herself out like a forest fire. Well, doesn't that make you smile? If you don't slow down, I swear that I'll come round and mess up your place. Let's go for a spin. Say we shouldn't even know each other, and that will be undone. Don't it make you smile like a forest fire? I believe in love, I'll believe in anything. It's gonna get me what I want, get me off my knees. And we'll burn your house down. Don't it feel so good? It's a forest fire. Every time we get together, c'était Lloyd Cole and the Comanchian avec Forest Fire. Et donc là on va suivre avec deux chroniques de Funko Pop qu'on a reçues. Donc encore merci aux partenaires. Donc là, on a eu le xénomorphe, pas l'ancienne version de Alien le 8ème passager ou Alien le retour, ni la Alien Queen qui est en big size 6 pouces. Donc là, non, on a reçu le Alien xénomorphe de Alien Covenant, donc un film qui va sortir d'ici, on va le recevoir cette semaine par les partenaires, donc encore merci à la Fox. Donc là, ce Pop Alien, c'est le 430e de la série Pop Movies. Et donc là, on a le xénomorphe. Donc j'ai envie de dire, énorme progrès de chez Funko pour ces Pop, franchement. On compare l'ancien xénomorphe qu'ils ont sorti à celui-ci, il n'y a pas photo. On voit déjà le corps très fin du xénomorphe qui peut tenir. Donc c'est un bon point. Donc en fait, sa queue sert de reposoir ainsi que ses petites pattes, mais c'est plus sa queue. Donc si la queue casse, votre Pop est foutu. Donc on voit le casque de cet alien, il ne peut pas bouger, le Pop n'est pas amovible, mais on voit les nervures du cerveau de l'alien qui est translucide, en fait le casque est translucide. On voit ses yeux, enfin son crâne, on voit ses dents proéminentes. Ce qu'ils auraient dû faire, comme Scream l'a dit dans sa chronique, c'est qu'ils auraient dû mettre les filets de bave qui pendent, ça, ils savent bien le faire, l'eau chez Funko. On peut voir les veines bleues de l'alien partout sur son corps, ainsi que ses armes telles que ses griffes, sa queue très dangereuse, hein, il a déjà piqué plein de personnes dans le film, son petit marteau. Et donc là je vais un peu vous parler des Pop différents de Alien. Donc là vous avez la version Bloody pour cet alien-ci, on ne l'a pas reçu, mais ce Pop vaut quand même déjà assez cher, mais vous pouvez déjà le trouver en magasin, au prix, un prix très attractif aussi, un prix normal, et que ce Pop vaut à peu près 40$. Donc ils ont aussi sorti dans cette collection le Nénomorphe, qui est une nouvelle créature pour les nouveaux aliens, ainsi que Daniels et les autres personnages. Ils ont aussi sorti le Facehugger, vous savez, la petite créature où commence à se développer l'alien dans son corps. Donc franchement, de super beaux Pop, encore merci aux partenaires. Donc là, on va passer au deuxième, et on va faire une spéciale alien, spéciale extraterrestre. Et donc là, on va parler de E.T., un très très beau Pop, un film qui a bercé notre enfance, hein, on connaît tous E.T., hein. E.T. téléphone maison. Et donc là c'est franchement il est vraiment super beau, c'est un assez vieux Pop hein, quand même, mais bon les détails sont là. On voit le petit doigt de E.T. avec sa lumière qui avait, en plus c'était marrant, à l'époque Universal avait décidé de sortir le jouet sur le doigt de E.T., mais ça avait fait scandale parce que ça avait une forme assez bizarre hein. Et là on voit aussi son thorax qui s'éclaire de la même couleur que son doigt, son petit cœur. On voit son petit sourire très très mignon de E.T., ses gros yeux, sa petite peau toute ridée. Et franchement, ses Pop sont super beaux. Malheureusement, on n'en a qu'un de cette collection, il n'en existe deux autres. Donc on a Elliot, le petit enfant, et Gertie. Donc ce sont de super beaux Pop, mais quand même, la préférence est là pour la petite créature de E.T. Donc là, on va se faire une petite pause musicale avec une chanson que les Simpsons et American Dad ont fait référence. Les Simpsons, encore une série qui a bercé mon enfance, et American Dad aussi. Deux séries déjointées qu'on spoil dedans. Bah, c'est bien sûr Dexys Midnight Runners avec Come On Alien. Sam, come on, baby, just play that hard to the right. How you feel? Now in my same more than ever. Things brand new change. I said to Donc c'était Dixie's Midnight Runner avec Come On Ellie. Donc là en fait, petite anecdote, du coup on a parlé de E.T. Et donc là, comme vous le savez, le 29 c'était l'anniversaire de Michael Jackson. Et il avait sorti, mais malheureusement c'était retiré de la vente, le vinyle ainsi que la cassette The Extraterrestrial Book. Donc il a été retiré de la vente et donc du coup il est devenu super rare. Et dans celui-ci on voit on entend Michael Jackson en train de raconter l'histoire d'E.T. sur un vinyle. Et même tellement qu'il aimait bien ce film, on l'avait entendu pleurer dans ce vinyle tellement que ça l'avait ému. Et donc du coup là on parle de film, là on va parler d'effets spéciaux. Une technique qu'on utilise beaucoup sur notre chaîne YouTube, vous pourrez la retrouver sur la page Facebook ainsi que toutes les chroniques. Donc là c'est l'incrustation sur fond vert ou fond bleu. Donc nous pour notre part on a un fond vert et on va vous raconter à quoi ça sert. L'incrustation est une technique d'effets spéciaux dans le domaine du cinéma et de la photo. Cela consiste à intégrer dans la même image par logiciel des objets filmés séparément ou des objets 3D par ordinateur. Donc il existe plusieurs logiciels pour ceci, Sony Vegas Pro 13 et Adobe Premiere Pro CC 2015, en tout cas j'utilise cela et je suis tout à fait satisfait. Bon, pour ma part je préfère quand même plus Premiere Pro car on a l'option, ça fait un effet, votre personnage que vous filmez est tout blanc et le fond est noir et vous pouvez régler l'intensité, l'ombre, etc. Donc on va vous apprendre la technique. On filme séparément un objet sur fond vert, bleu, green screen et un décor à partir de l'image. Donc maintenant à partir de l'image, de l'objet, on transforme le bleu du fond en un masque noir chroma key. Donc du coup sur Sony Vegas on a l'incrustation chroma key et sur Adobe After Effects ultra key. On a ainsi une silhouette et un objet transparent sur fond noir, ainsi qu'un masque complémentaire, ainsi qu'une silhouette. Donc dans ce cas-là, vous pouvez du coup mettre une image que vous voulez, je sais pas, vous pouvez mettre une plage en vous filmant et en disant « Ah, t'as vu, je suis à la plage !» Mais bon, et c'est pas ceci comme le même qu'il y avait où un enfant utilisait son fond vert et dire « Ouais, je suis à la plage, mais en fait que tout le monde a cramé que c'était un fond vert !» Donc franchement, ça sert vraiment, on s'en sert aussi dans les studios de météo. En fait, la personne, du coup, si on retire l'incrustation, bah, ça fait un peu bête. On voit la personne qui fait voilà, voilà, et en fait, elle monte juste ses doigts sur du verre. Donc, c'est vraiment super bien fait. Et c'est qui a appris cette technique? Bah, c'est le roi des effets spéciaux, monsieur Méliès, hein, qui a appris cette technique. Donc, cette technique est très, très, très, très vieille. Et elle nous sert tout le temps, nous, pour nos vidéos. Vous pouvez d'ailleurs voir la chaîne Touche à tout, où je m'en sers. Par contre, ne faites pas comme certaines personnes qui l'ont déjà fait, n'est-ce pas, monsieur Scream? Donc, en fait, ne surtout pas mettre de t-shirt vert ou bleu, à part si vous voulez faire des effets spéciaux. Pourquoi? Parce que, en fait, il y aura votre fond qui va s'incruster, mais aussi votre t-shirt. Donc, du coup, on va voir que votre tête déplacée. Et aussi, pourquoi toujours choisir le fond vert, le fond bleu? Pourquoi pas un fond jaune ou rouge? Parce que ces couleurs, le vert, déjà, faut un vert très, très puissant et un bleu très très clair aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qui s'apparentent pas aux couleurs de notre peau ou de nous, notre corps humain. Donc du coup ça permet de vraiment distinguer l'image. Et donc là je vous ai parlé dans une émission précédente de l'éclairage en 3 points. Pour un fond vert c'est bien d'utiliser un éclairage parce que si vous n'avez pas d'éclairage, le fond vert, l'incrustation va moins se faire. Donc vous devez mettre une backlight, une lumière derrière vous, deux lumières sur chaque côté gauche et droit, et une lumière devant vous. Donc voilà comment se réalise l'incrustation sur fond vert. Vous pourrez vous y amuser tout à fait, mais ce qui est mieux pour rendre une incrustation encore mieux, c'est de mettre des objets de décor. Donc par exemple, vous mettez un fauteuil à côté ou quoi, ça rendra votre incrustation plus belle et plus réaliste. Et donc du coup, par contre, il y a un petit problème, c'est que parfois on a des petits grains, des petites taches inexpliquées. Ça parce que c'est la régularité de la lumière et où on choisit son fond vert. Donc on peut choisir avec une pipette et choisissez l'endroit le plus neutre possible. Donc par exemple, sur le côté de vos fonds verts, vous avez un endroit pas très clair, un endroit très clair. Ne prenez pas l'un des deux, visez au milieu et votre incrustation ne sera que plus belle. Donc franchement, cette incrustation est super belle. Elle est faite pour la vidéo ainsi que la photo. Vous pourrez tout faire avec, ce que vous voulez, même des trucs très très très marrants avec. Le fond vert a servi dans de nombreux films comme, je vais vous dire, les Avengers, Captain America, le plus connu dans tous, Titanic, où il y a eu l'incrustation de James Cameron. Donc là, on va se faire une petite pause musicale avec Level 42, The Sun Goes Down. Donc c'était Level 42 avec The Sun Goes Down. Donc là, maintenant, on va passer à la programmation du cinéma Forever Moucron, donc le cinéma juste à côté de la radio. Donc là, on va voir, ils ont 7 jours, pas plus. Donc un très très bon film, Bonne Pomme, Seven Sisters, Hitman et Bodyguard, qui a l'air d'être un film super marrant. La Tour Sombre, donc inspiré de l'histoire de Stephen King. As de la Jungle, Everything, Everything, Le Monde Secret des Emojis. Annabelle, La Création du Mal, Baby Driver, Valérian et la Cité des Mille Planètes de Cocorico, Luc Besson, Dunkerque de Christopher Nolan qui était tourné à Dunkerque. Et d'ailleurs, petite info, là en ce moment à Dunkerque ils font jusque fin septembre un circuit où vous pouvez voir tout ce qui s'est passé pendant la guerre, aller en bateau au milieu de la mer et voir justement les épaves d'avions qu'il y a eu pendant la guerre. Ça peut être très très intéressant, toujours apprendre sur son histoire à côté de chez nous. Spider-Man Homecoming de John Watts. C'est qui John Watts? Je vous en avais déjà parlé. C'est le réalisateur de Monsieur Clown, le film Clown. La Planète des Singes, Supremacy. Moi Moche et Méchant 3. Cars 3. Donc, c'est voilà une très très belle programmation. Et donc, oui, là on parle de clown, on va expliquer ce qui se passe. Donc, du coup, en fait, le film, ça, le remake, va sortir. Et franchement, c'est un film que je voudrais voir parce que là, d'être vraiment excellent, un film qui a traumatisé bon monde à cette époque-là, et ben les vrais clowns professionnels du cirque ont porté plainte contre Stephen King pour la réalisation de ça. Bon, je comprends rien, on ne peut plus se distraire en regardant des petits films. Je comprends pas, les policiers aussi pourraient porter plainte en regardant d'autres films avec les policiers, cela ne sert à rien. Et en parlant que les clowns ont porté plainte, il y a eu une plainte plus grave, et celle-là, je peux la comprendre un petit peu. C'est que à chaque fois, là, je sais pas s'ils vont le faire cet Halloween-ci, mais à chaque fois, les Halloween de l'année dernière, il y avait une mode, mais je sais pas si c'était une mode ou quoi, parce que moi, je ne l'ai pas faite et je m'en fous complètement. C'était une période où les gens se déguisaient en clowns pour effrayer les gens avec une hache ou un petit marteau ou une batte de baseball. Et donc, du coup, ça vient de l'Angleterre, où une personne était au bord de la route et déguisée en clown avec des ballons et fixer les gens. Et donc du coup, une célèbre chaîne YouTube italienne du nom de DM Pranks a repris ceci pour faire la série sur les clowns tueurs, prankers, etc. Donc c'est ce qu'ils avaient fait. Pour ma part, j'aime pas trop les gens qui faisaient ça, et parce qu'il y avait vraiment des blessés dans ces histoires tout de même. Mais ils ont fait des caméras cachées, on voit que c'est vraiment super bien foutu. On voit franchement des faux cadavres, vraiment super bien foutu. Et donc pour ma part, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 2-3 ans de cela, je faisais Halloween avec ma soeur tranquille. Je prenais des bonbons et puis là on était avec des amis et tout. Et on voit un laser sur la tronche de nos potes. On fait c'est quoi ça, pourquoi un laser? Et on voit tout simplement un gars déguisé en clown qui essaie de nous faire peur et nous lancer des pétards derrière nous. Mais bon, on s'est encore dit arrête tes conneries mon gars, cela ne sert à rien. Donc là on va faire une petite pause musicale avec Banksy Beat Small Town Boy. Alone. Donc c'était Bronski Beat avec Small Town Boy. Donc là on va passer à la creepypasta de la semaine. Maintenant ça va être quelque chose de récurrent. Et pourquoi d'ailleurs j'avais envie d'avoir cette idée. Avant on faisait une émission et je racontais tout ce qui était insolite, voilà, qui tentait même vers l'horreur, le frisson, le gore. Et tout simplement notre patron Rico, hein, le chef, aimait bien toutes ces histoires. Donc du coup ça m'a donné envie de faire des creepypasta. Et j'essaierai peut-être un jour de vous en faire en vidéo sur la chaîne Touche à Tout. Vous pouvez tout retrouver sur la page Facebook. Donc cette creepypasta s'intitule L'Imposteur. Aïe, arrête ça, papy, Jimmy, arrête pas de me frapper, a crié une voix depuis une autre pièce. Ces vieux os n'ont jamais bien dormi, et encore moins quand un enfant demande à l'aide. Un enfant, mon fils, non, cette voix me paraissait bien trop enfantine. Petit-fils, ça doit être ça, bien sûr. Mon petit-fils a besoin de moi. Si un intrus est en train de lui faire du mal à mon petit-fils, je pouvais pas le combattre, mais du haut de mes 74 ans, même en étant un vétéran de la guerre. Soudain, je me suis souvenu, la table basse. Elle contenait mon fidèle revolver. En ouvrant doucement le tiroir, j'ai récupéré l'arme ainsi que les munitions. Je les rechargeais pendant que je me faufilais jusque la chambre de mon petit-fils. À mon grand étonnement, en ouvrant la porte, il n'y avait pas un Jimmy, mais deux. Ils étaient exactement semblables, se battant sur le plancher de la chambre. Comment cela est-il possible? Est-ce une sorte de démon faisant semblant d'être mon petit-fils? Papy, a crié l'imposteur, Jimmy me fait mal. Même pas vrai d'abord, a répondu le vrai Jimmy. Laisse-moi partir, Jimmy, je vais m'occuper de ce démon. Et je dis en pointant mon revolver vers l'imposteur. Papy, stop, ont crié les deux garçons à l'unisson. J'ai appuyé sur la gâchette du revolver en faisant mon devoir. Une fois de plus, d'un coup retentissant, suivi un silence de mort, l'imposteur était couché sur le sol, mort. « Jimmy, tu vas bien ?» ai-je demandé. « Papy !» Sa voix était tremblotante, il pouvait à peine parler. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué mon frère ?» Un moment de clairvoyance dans mon esprit, des vieux souvenirs me remontant de Jimmy, des jumeaux, Jimmy et Jason. Médicaments, un diagnostic, démence, Alzheimer. Le revolver a glissé de ses mains, tombant et le fracas sur le plancher. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, c'était la creepypasta de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, c'est une un peu moins connue que j'ai fait la semaine dernière comparé à Jeff the Killer, qui est quelque chose de culte dans le monde des creepypasta. Franchement, Jeff the Killer, c'est une creepypasta super connue. Tout le monde doit la connaître. Donc là, on va se faire une petite pause musicale, mais tout d'abord, je tenais à faire une petite piqûre de rappel. Vous avez The Scream à la technique, vous êtes sur RQC 95 FM pour Touche à Tout, et vous pourrez retrouver toutes les infos sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Touche à Tout. Donc là, on va s'écouter un petit In Excess avec Devil Inside. Every single one of us, the devil inside, devil inside, devil inside, ever. But certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Donc voilà, c'était In Excess avec Devil Inside. Donc là, je vais vous parler. Donc là, on a parlé du pop Alien Covenant. Donc bah là, pourquoi pas parler du film. Donc le film sort le 13 septembre 2017. La durée est de 2h02 et donc c'est chez Century Fox. Donc on va le recevoir normalement cette semaine par la Fox. Donc encore merci à eux. Donc je vais vous lire tout de suite le synopsis. 2103, 10 ans après Prometheus, le vaisseau spatial Covenant est en route pour la lointaine planète Origine 6, Origae 6, afin d'y établir une colonie, un nouvel avant-poste pour l'humanité. Mais l'incident grave contraint le vaisseau à se dérouter vers une autre planète émettant un autre signal, situé à une distance plus proche et qui est tout un paradis terrestre. Mais malheureusement, comme vous le savez, ça va partir en steak. Et les xénomorphes vont être là pour bien attaquer les personnages. Donc la réalisation est de Ridley Scott, qui a réalisé Alien le 8e passager, le premier Alien. Qui a aussi fait plein d'autres films, Monsieur Scott. C'est une histoire originale de Dan O'Bannon et Ronald Shettest. Le scénario est de John Logan, Dante Harper. La production est de Mike Huffman, Michael Schwister, Ridley Scott, David Gilter et Walter Hill. La musique est de Jed Kurzel. Pour moi, la musique est super bien foutue, je l'adore. La photographie, ben, c'est toujours important, les plans en travelling, etc., sont super bien foutus, j'adore, de Deruz Volsky. Le montage est de Pietro Scalia. Les décors sont de Chris Stenger, les costumes de Gentil Yates, les effets visuels de Charlie Henley et les effets de maquillage de Connor O'Sullivan. Ah, bah tiens, mais bon, ce n'est pas moi. Donc je vais vous dire les acteurs, le plus connu, Michael Fassbender, qui a joué dans... Assassin's Creed, le nouveau pour moi que j'ai pas trop aimé, et plein d'autres films. Franchement, le rôle de Michael Fassbender est super bien foutu. Il a fait vraiment une superbe prouesse dans le rôle de ce droïde assistant qui est vraiment super bien foutu. Il y a Catherine Watterson, Billy Crudup, Danny McBride, Midian, Demian Bichir et plein d'autres rôles. Donc c'est le nouvel alien qui nous revient en force. Pour 2h02 de film, franchement, je l'ai kiffé. Un excellent alien, je le trouve même mieux que Prometheus. Donc, pour vous dire, donc encore merci à la Fox pour ce film. Maintenant, on va passer au deuxième film. Cette fois-ci, un film qui sort le 26 septembre 2017 et qui est sur Universal Pictures France. Donc, encore merci à eux. Donc là, on va vous parler de la suite de Dead Again in Tombstone, le pacte du diable. Donc, synopsis. Le chef du gang sans soif ni loi, Guerrero Hernandez, revient de l'enfer pour s'y venger et affronter les nouveaux démons du Far West. Donc, ce film... J'ai pas trop aimé, c'est du réchauffé, hein, c'est carrément du réchauffé, c'est un série B, hein. C'est sûr et certain, on le ressent bien déjà au scénario, c'est téléphoné, mais il y a toujours le mérite qui est là, j'ai envie de dire, on va pas détruire un film, pas dire le fameux des critiques cinéastes qui disent le fameux c'est de la merde, non, ça sert à rien. Donc il y a quand même le mérite dedans, on a quand même Monsieur Trejo, une personne très sympa, très humble de faire des films à peu budget et à grand budget, donc c'est ça qui est toujours bien chez les acteurs. Donc pourquoi je vous dis que c'est téléphoné ? D'abord c'est un scénario habituel, il tue quelqu'un, il y a une vengeance qui se fait par derrière, l'autre doit faire un pacte avec le diable, ça se barre en steak, mais l'autre, voilà, c'est téléphoné. Les effets spéciaux, on le sent quand même, mais il y a toujours un mérite, c'est ce que je dis. La réalisation est de Roel René, une histoire originale de Roel René et de Ethan Villet. Le scénario est de Ethan Villet avec Danny Trejo, Jack Buchey, Elissa Rotaku, Nantiel Arken, Dean McMahon et John Tierney. C'est un film qui dure 1h39, ça va, la durée est super bien, mais un petit peu plus court, ça aurait été encore mieux. Donc l'éditeur Universal Pictures France ainsi que le distributeur. Donc ce film sort le 26 septembre 2017, donc merci d'avoir écouté cette émission de Touche à Tout. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Donc là on va se quitter avec Carmel, avec Sally. Je vous fais de gros bisous, ciao, à la semaine prochaine. Sally's gone.